Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. C'est le moment où on accueille Simon Fitzbé. Salut Simon! Et bonjour messieurs Kiwan et Mathieu. Salut! En regardant pas la bonne personne quand j'ai dit les mots, mais bon. C'est Mathieu ici, salut. Ouais, ah, c'est toi Mathieu. Mathieu Plante. Ah, c'est bon. Enchanté. Tu sais, j'ai l'habitude de vous entendre, mais pas de vous voir. C'est ça, ben oui. C'est ma chronique à distance chez nous. Fait que... dans ton studio B. Ouais, mon studio B, j'ai installé à la maison depuis janvier. Ça, c'est facile de nous confondre aussi aujourd'hui, étant donné que Mathieu est assis sur moi. Tu sais, quand tu regardes vers nous, on ne sait pas trop lequel tu regardes. Ben oui, c'est ça. Mais au début, je pensais qu'il y en avait juste un. Quand j'ai la tête de sortir dans l'arrière. C'est comme un tout. Là. On est bel et bien deux. Ouais. Vous êtes comme genre une personne à deux têtes. Ouais. C'est bien. C'est bien. Ouais. Oui. Oui, bon. Donc, sujet d'aujourd'hui, c'est la suite de la chronique de la semaine dernière. Effectivement. Sur Brian Wilson. Et c'est ça. Ben, Brian Wilson, en fait, j'ai pas eu le temps de la semaine dernière de tout présenter, puisqu'il a quand même eu une vie assez rebondissante et remplie de drames. Donc, je me suis dit, je vais garder le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, on va voir un peu ce qui est le fond du baril de ce qui est arrivé à Brian Wilson. Puisque, donc, il a été démoli par l'échec de son chef-d'œuvre Smile, qui a été mis au placard par les dirigeants de la Capitol. Et suite à cette désolation, le groupe a décidé de relocaliser le studio d'enregistrement à l'intérieur du manoir même de Brian, à Beverly Hills. Donc, il n'avait plus à sortir de chez lui. Ils ont également mis sur pied la maison de disques Brother Records, qui prendra maintenant en charge la production des albums futurs de la formation. Ce qui est quand même bien, parce que ça ferait plus de liberté artistique, mais pour les Beach Boys, elle a marqué également la fin du leadership de Brian Wilson, qui allait bientôt atteindre le fond du baril. Donc, Wilson reste quand même un compositeur du groupe, mais le principal compositeur, pardon, mais il ne produit plus. Il décide de plus faire de studio du tout. Et la magie de la création repose maintenant sur les épaules de son frère le plus jeune, Carl. Ouais. Mm-hmm. T'as eu de la misère à prononcer ça avec un accent anglais. C'est difficile. Ouais. Et le plus jeune des frères, donc, qui était maintenant chef en studio. Et ils font d'abord paraître l'album Smile et Smile, un album intentionnellement mal produit, constitué de nombreuses versions de chansons de Smile, mais qui ont été très, très appauvries. Donc, des versions hyper minimalistes. Et en fait, c'est Brian Wilson lui-même qui a miné son propre album parce qu'il était un petit peu en maudit après la compagnie Capitol et voulait un peu frustrer les fans des Beach Boys qui attendaient Smile pour leur montrer que ça arriverait jamais. Et donc, l'album a atteint à peine le bas du palmarès et débute la chute des Beach Boys. Donc, à partir de là, rien ne va plus. Les albums Wild Honey et Friends ont été également des flops qui n'ont pas vraiment aidé à la popularité du groupe. Et malgré sa petite participation, l'année 1970 marque la fin de participation de Brian Wilson comme compositeur du groupe. Il se consacre maintenant à la fête ainsi qu'à la cocaïne, drogue qu'il vient de découvrir en 1969. Donc, il est un peu en retard au niveau des drogues, mais il s'est mis à faire le party donc en 1970. T'aimes ça, le monde qui sont current là, par rapport aux drogues ben oui. Les plus récentes. Il faut prendre la drogue du jour. Ben oui, t'sais. C'est évident. C'est comme lui, ben, en fait, Brian Wilson, qui était un grand consommateur de drogue, comme on a vu la semaine dernière, prenait beaucoup de marijuana, de LSD et de hashish. Et là, donc, maintenant, il est tombé dans un côté un peu plus dur avec la cocaïne, qui fait un peu le contraire, bizarrement, de ces drogues-là. Le marijuana, le LSD sont plus dépresseurs. La cocaïne, c'est plus des kickers, qu'on dit. T'es plus réveillé quand tu prends ça, donc changement de mood. Et justement, donc, on va aller entendre un des albums qui a été considéré comme un flop. C'est l'album Wild Honey de 1967, dis-je, et ou 68 en tout cas. C'est un très bon album quand même ça a été un flop. Il y a de très bonnes pièces qui se retrouvent là-dessus. Et on va l'entendre, la pièce Let the Wind Blow, donc une pièce qui, selon la légende, c'était une demande de Brian pour que sa femme revienne à la maison, qui elle venait de le quitter. Don't take her out of my life. Don't take her out. Donc, c'était la pièce Let the Wind Blow qui est tirée de l'album Wild Honey, 1968. On va mettre une date précise là-dessus. Donc, c'est un album qui était vu un peu comme un retour aux sources pour les Beach Boys, avec un côté un peu plus R&B. On essayait peut-être d'imiter le son Motown un petit peu avec cet album-là. Ça a quand même été, au niveau commercial, pas nécessairement un flop, mais quand même, on a atteint à peu près le numéro 38 sur 40 dans les palmarès, ce gros maximum, après plusieurs semaines même de vente. Et donc, au niveau artistique, par contre, ça fait quand même un très bon album. Participation moins grande de Brian Wilson, qui change un peu l'atmosphère aussi de ces albums-là. La majorité des chansons qui sont chantées par Carl plus que Brian, commence à se retirer, comme on va voir justement là. D'ailleurs, vous êtes à l'écoute de la chronique Paul is Dead de Simon Fitzbé, sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Dans l'assemblage requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Ben oui, c'est moi Kiwan. Hey, t'es pas Q! T'as pas passé pour Kiwan, je le reconnaîtrais, moi. Non, je suis pas assez bon pour imiter Kiwan, de toute façon. Mais d'ailleurs, vous deux, j'ai essayé de vous imiter, puis. Pour vrai? Ouais, mais ça va pas très bien. Ça... En fait, pour Kiwan, ça va bien, juste à faire un gars fatigué. c'est une blague, c'est une blague. C'est pour vous remettre un peu. Ben oui. Une petite pin sur l'épaule après ce que vous avez fait lundi, votre teaser, qui est excellent. J'ai trouvé ça très drôle. C'est quand même bon, à vous. Ouais, je l'ai adoré. Franchement, là, j'ai vraiment adoré. Attends un peu, je pense que ça vaut la peine de le faire rejouer. Ah, parfait, oui, le oui. Le teaser de oui. Lundi, je pense que ça vaut vraiment. Ah oui, il faut. On t'a quelle date, le lundi? On était le 18. Ce lundi, à Assemblage requis, Maxime Lemulaire-Amy nous fera ses suggestions musicales. Aussi, à ne pas manquer, absence complète de Simon Fitzbé. Oh, ça va faire du bien, ça! Assemblage requis, lundi, 15h. Ouais, vraiment. Ah, j'ai trouvé ça très drôle. Je riais dans le studio le matin, c'est incroyable. On avait vraiment peur de t'offusquer. On voulait à la limite mettre à la fin un petit genre, c'est une joke là. Ben non, voyons donc, moi j'ai l'humour facile. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas j'ai adoré. Puis d'ailleurs, je vais peut-être me revenger éventuellement. Je voulais venir en studio lundi, débarquer pendant que vous étiez en onde, mais finalement je vais respecter la petite lumière rouge. Puis je rentrerai pas. Mais je vais me revenger éventuellement. Un jour, ta revanche viendra. Oui, exactement. Donc, on continue sur le sujet de Brian Wilson, pourquoi pas. Il a passé suite à ses albums qui ont été plus ou moins réussis. Il a passé la majeure partie des 3 années suivantes, donc de 70 à 73, couché dans son lit à manger des friandises et à prendre de la drogue. Mmh. Et il est totalement enfermé sur lui-même à cette époque-là. Il n'a plus aucune vie sociale. Il s'empêche même de prendre sa fille Carney dans ses bras de peur de la blesser comme son père l'avait fait. On sait que son père l'avait frappé à l'oreille, ça l'a rendu sourd d'un oreille. Carney Wilson, c'est Carney Wilson, qui est chanteuse. Elle également, qui a fait partie avec sa plus jeune sœur du groupe Wilson Phillips, qui était avec la fille de Phillips, je me rappelle plus de son nom, mais qui était dans les Mamas and the Papas. Hein. Donc, on continue avec ce que je disais. Donc, Carney, qui avait peur de blesser, il l'apprenait jamais. Et les seules pièces qu'il a apportées en studio pendant cette période-là, de 70 à 73, ce sont des vieilles pièces de Smile qui avaient un petit peu changé, donc qui déposaient et demandaient au groupe avec humblement de refaire ces pièces-là. Et en 1973, donc pour le shaky, les Beach Boys ont décidé de déménager le studio aux Pays-Bas afin d'enregistrer l'album Holland. Le groupe croyait alors sortir Brian de sa dépression, en plus d'influencer sa création personnelle. Et il a été du voyage, Brian Wilson, mais ils ont dû s'y prendre par 3 fois pour y faire prendre l'avion parce qu'il avait trop peur d'embarquer. Donc, déjà qu'il avait de la misère à quitter de chez lui, il devait prendre l'avion, se rendre dans un autre pays pour composer. Et donc, ça a quand même fonctionné un petit peu, mais il n'y a rien fait d'autre, en fait, Brian Wilson, que de se concentrer sur la composition d'une pièce de 10 minutes qui se nomme Mount Vernon and Far Away, qui se retrouve sur cet album Holland. Et bien qu'il ait été vu par plusieurs connaisseurs comme un échec, il a grandement contribué à la remise sur pied du groupe, qui avait de plus en plus d'assistance lors de leurs concerts. C'est le début d'une autre période pour les Beach Boys. Et le Rolling Stone Magazine a même envisagé Holland comme un des albums de l'année. Donc, malgré que ça n'ait pas été nécessairement un gros succès commercial, encore là, c'était dans le bas des palmarès, c'était vu comme un grand album. C'est un peu comme le retour en force des Beach Boys. Et le groupe est quand même déçu donc des performances de l'album et décide de se concentrer sur les concerts auxquels Brian ne participe plus depuis 10 ans. Il avait arrêté la tournée en 64 et il surfe littéralement sur un revival du rock du début des années 1960 grâce à la compilation 15 Big Ones qui était une compilation de leur grand succès et Endless Summer qui est également une compilation double avec vraiment les plus grands succès des Beach Boys, album double que tout le monde devrait avoir chez soi. Et le premier film aussi de George Lucas, American Graffiti, qui comportait, en fait, ça se passait à la fin des années 50, donc il y avait des pièces inspirées des Beach Boys ou des Beach Boys même qui se retrouvaient dans cette trame sonore. Et donc, suite à une thérapie fructueuse pendant l'année 1975, Brian Wilson commence à émerger tranquillement de sa dépression. Il recommence à composer des nouvelles pièces, en plus de faire quelques apparitions sur scène en arrière des gens. Il n'était pas en avant, il ne chantait pas avec eux, il était en arrière, jouait du piano. Et il n'était pas très beau à voir dans ce temps-là. Et la nouvelle campagne de publicité disait « Brian est de retour ». Donc, c'est là-dessus qu'ils ont fait un peu leur publicité de tournée et ça a quand même fonctionné. Il était de retour et en profite pour écrire un nouvel album avec le groupe qui se nomme « Love You », qui est un retour au style plus classique du groupe. Et il devient aussi son album préféré, encore à ce jour. Et en 1979, le groupe signe un gros contrat avec la compagnie CBS, ayant comme clause la plus importante, une participation significative de Brian Wilson à la création de chaque album. Donc, pour qu'il signe le contrat, il fallait absolument qu'il soit là, prêt à composer. Mais malheureusement, le groupe s'est tiré dans le pied avec les albums LA, qui est pour Light Album, et Keep the Summer Alive, qui ont été des vrais flops. Pour ajouter au malheur des Beach Boys, Mike Love, qui est influencé par ses frères. Mike Love était le chanteur non charismatique là, qu'on avait parlé la semaine passée, qui bouge comme un cure-dent sur scène. Donc, il a commencé à établir certaines tensions aux membres du groupe. En plus, Dennis et Carl Wilson, les deux frères de Brian, ont quitté le groupe en 1980. Donc là, rien ne va plus. Et en 82, donc, Brian Wilson a été mis de côté du groupe encore une fois parce qu'il y avait un surplus de poids étonnant. Il pesait plus de 300 livres, il approchait de l'obésité mortelle, morbide, et son psychiatre donc est rappelé encore en renfort pour le remettre sur les rails. Et en 1983, la mort de Dennis Wilson réunit le groupe et qui fait paraître en 1985 un album éponyme. Et ils vont aussi au fameux concert Live Aid, qui était le gros concert mondial qui avait lieu à Londres et à Philadelphie. Mais malgré ce retour, Brian n'est pas vraiment bien. Son psychiatre n'est pas qualifié pour composer avec les signes de schizophrénie bipolaire qu'il présente. Il est finalement remplacé et Brian donc est finalement diagnostiqué en tant que schizophrène. Il entendait des voix dans sa tête. Mais pendant des années, il entendait des voix dans sa tête, mais personne ne faisait rien pour ça. Mmh. Et donc, il lance sa carrière solo en 1988 avec un album éponyme et continue la tournée avec les Beach Boys pendant les années 90, toujours en fond de scène. Sa dernière collaboration au sein du groupe se retrouve sur l'album Stars and Stripes Volume 1 en 1995. Ça, c'était des reprises country de pièces des Beach Boys chantées avec eux. Et il quitte officiellement le groupe en 1998 suite à la mort de son plus jeune frère, Carl. Il est décédé d'un cancer et il y a eu aussi des chicanes, donc... Mike Love est parti avec le nom des Beach Boys en mettant Brian ainsi que Al Jardine, qui était un membre du groupe, mais que j'ai pas nommé dans ma chronique parce qu'il est comme. Tu sais, le gars qui est dans le band, mais qu'on sait pas trop c'est quoi qu'il fait. C'est un peu un genre de Ringo, là. Il était là pour faire la job, mais pas plus. Que lui aussi, donc Al Jardine est parti son groupe et pendant 2000, 2001, 2002, il y a à peu près trois groupes des Beach Boys qui tournaient en Amérique. Donc, il y avait les vrais Beach Boys de Mike Love et Brian Johnston, la Beach Boy Family d'Al Jardine et Brian Wilson en solo, qui a finalement réussi à sortir de sa trépeur. Ça se dit-tu? Ça quoi? Sa trépeur. Trépeur, je sais pas. En tout cas, sa peur d'être sur scène, ouais, il a réussi à guérir sa peur de la scène et donc se retrouver au premier plan en faisant entre autres une tournée de Pet Sounds Live, donc il faisait l'album complet de Pet Sounds en concert. Et en 2004, finalement, c'est la très bonne fin donc qu'on a à cette histoire. Wilson se réunit avec son vieux collaborateur Van Dyke Parks et décide finalement d'enregistrer Smile, l'album donc qui n'arrivait pas à terminer en 1967. Il l'a répété pendant 3 mois et il l'a enregistré en 5 jours avec ses musiciens. Donc en 1967, c'est après à peu près pratiquement un an pour enregistrer les choses qui ont été enregistrées et après ça a pris à peu près 3 mois et demi. C'est un peu offensant. Il y a certaines personnes lors des conventions, tu sais, les conventions comme Comic-Con, Famicom, des choses comme ça. Brian Wilson était allé là, il y avait eu des questions, puis les gens demandaient combien de temps ça a pris. Bon, 3 mois. Ça a pris 40 ans avant que tu te décides de retourner en studio. Ça te prend 3 mois pour l'enregistrer. Mais il y avait des gros problèmes mentaux. Et là, justement, il est de plus en plus stable. Il s'est remarié. Et donc, il est fier aussi du succès de son album Smile, qui a vendu à plusieurs copies, qui est même dans le top 500 des meilleurs albums réalisés par le Rolling Stone Magazine. C'est un des meilleurs albums de la décennie, selon plusieurs. Et donc, il a aussi sorti en 2008 l'album That Lucky Old Son, qui est le dernier album, qui est très bon, j'ai bien aimé. C'est du Brian Wilson, tout craché, c'est génial. Et donc, bref, en conclusion, les génies sont souvent troublés et se brûlent parfois trop rapidement dû à la pression de certains et l'amour des autres. L'histoire de Brian Wilson est une des plus tristes. Il a su se hisser au sommet grâce à ses créations, mais le monde extérieur a eu raison de sa stabilité. Heureusement, il fait partie du petit groupe de musiciens déchus qui ont pu, avec les années, revenir à l'avant-scène et combattre l'adversité. Belle petite fin, genre, on mettrait à la fin d'un film. Ça. Ouais. C'est beau. Hein? Justement, y a-t-il un film qui a été fait sur sa vie? En fait, plus ou moins, il y a eu un film qui avait été présenté. Et ça c'est ce qui m'a donné le goût d'écouter Beach Boys. Ça avait été présenté à TVA. Et c'était un peu la période allée du début, en 1962, à 1968-69, lorsque les Beach Boys se sont mis à mal aller. Ça se terminait sur leur retour sur scène là, dans les années 70, c'était le revival. C'était un peu... je parlais de ça avec Alain Lefebvre ce matin, directeur de la programmation. Il dit, les Beach Boys, il avait fait un vidéo où c'était... C'est quétaine. C'est vraiment... À partir de 1971-72, ça commençait vraiment à être quétaine. C'était le gars habillé en indien, un peu pour imiter Village People. Il faisait semblant de jouer de leurs instruments. C'était vraiment pas génial. Et donc, j'avais aussi donc préparé deux courtes pièces qui proviennent de Smile, l'album qui a paru en 2004. Ce sont les pièces Wonderful et Song for the Children, ce qui est selon moi les deux meilleures pièces de l'album, qui ont été vraiment très bien repris sur cet album-là, Smile de Brian Wilson. Pour se quitter. Merci Simon. Ça fait plaisir. Stays in her one, one, one wonderful. She knew how to gather the forest when God reached softly and moved her body. One golden locket, quite young and loving her mother and father. Farther down the path was a mystery. Through the recess, the chalk and numbers, a boy bumped into her one, one, one wonderful. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Hey, ça me fait penser. Quoi? Est-ce que... Quel très, très beau retour de pièce, oui. Ben oui, ça vient de me faire penser, en fait. Est-ce que vous avez participé, vous deux, au CD de cadeaux de fête à Sophie Laforêt? Mm-hmm. Non, moi, c'était ça, les pièces que j'ai mis là-dessus. Ah. Je vais faire un petit plug. Il faut que j'y emmène le CD au complet. Je pense qu'elle va aimer ça. Sophie Laforêt, on mentionne pour les gens qui ne sont pas dans le cercle d'assemblage requis. Ben oui, c'est vrai. Des fois, il y aurait d'autres mondes qui nous écouteraient. On sait jamais. Donc, cadeau de fête de Sophie Laforêt. Ouais, elle a eu ça comme cadeau de fête. En fait, ses amis ont fait une grosse compilation. Je trouve que c'est un super bonne idée de cadeau. Ouais. Faites-le à la maison. Ouais. Avis aux amis de Simon, là, t'sais. Ouais. C'est quatre fêtes. Je vais avoir 3 tonnes sur un CD. Ah! Oh. J'ai pas le temps d'avoir des amis. Moi, j'en aime assez fou. C'est pitié, là, vraiment. Hein. Ben non, ouais. Écoute. Puis après ça, il s'offusque qu'on fasse des blagues à propos de ça. J'ai dit que je m'offusquais pas, que j'aimais ça. J'adore ça qu'on rit de moi. Ben, on va continuer. Parce que c'est un signe d'amour. J'allais faire comme blague. Tu vas prendre ta revanche sur nous. Hein, pour ça, il faudrait qu'on écoute ton émission pour savoir que t'as pris ta revanche sur nous. Ah non. Non, je la trouve très bonne aussi. Moi, je suis ouvert à tout. Toutes les blagues. Oui, c'est... Ben oui. C'est temps qu'on finisse ça, cette chronique-là. Ben oui, on n'était pas supposé me plugger en quelque part là-dedans. Ah ben oui, ben c'est vrai. D'accord. T'as tellement d'affaires à plugger que ça sort de la tête assez facilement. Hein? Ben, on a une heure pour tout plugger. Commençons par... Hein? On a une heure pour tout plugger, on devrait être correct. Ouais, c'est ça. Commençons par le plus facile, hein, le plus gros bloc, c'est l'émission du matin et la pilule du lendemain entre 7h et 9h. Oui. Mm-hmm. Ensuite, il y a Crowd Rock tous les lundis soirs à partir de 18h. Effectivement. Mm-hmm. Et on termine avec la nouvelle case horaire de l'émission Album Classique. C'est le vendredi à 10h, rediffusion maintenant mardi à 14h. Et oui, le vendredi matin, donc je vais être ici 5 jours semaine. Hey! Je suis content. Yeah! Tu t'en mets pas du tout beaucoup. D'ailleurs aussi, il y a l'assiette de carreaux date demain midi. Ah, j'aime dans ça, t'as oui. Dans le dîner de con. Dans le dîner de con, oui. Moi, je pensais genre le buffet de carreaux date, mais j'avoue que l'assiette de carreaux date, c'est encore meilleur comme nom. Ben, le buffet, c'est pas pire. Ça dépend de la longueur que ça prend. La semaine passée, ça a pris 40 minutes. Là, si ça en prend plus, ça sera un buffet. Tu vas toujours en prendre plus de semaine en semaine, je pense. Ben, faudrait pas quand même qu'on s'étire trop. Tu vas manquer de gruyot. Mais c'est quand même le fun, tu sais. C'est super trippant d'avoir des gens qui participent. Et c'est le fun à écouter aussi. Ben, merci. Je fais mon possible. Et autre que les nombreuses émissions ou chroniques que tu fais, parce que Paul is Dead va être de retour évidemment mercredi prochain. Bien sûr. Bon. Il y a aussi les balado-diffusions de tes chroniques sur le cfou.ca et les balado-diffusions de l'émission Assemblage Requis au complet sur assemblagerequis.com, inclus tes chroniques. Ah oui, ils sont super bien coupés en plus. Félicitations. Ah, merci. Pour ceux qui n'en auraient pas assez, là, vous pouvez avoir une surdose de Simon. Ben, c'est bien d'avoir ça voulez. Dans un petit sac Ziploc, une petite portion de carré aux dates. Tu traînes ça tout le temps. C'est une bonne idée. Donc, t'es-tu encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à C'est fou.